réparer. Ouais. Ouais, pour la réparer. Ah oui. Ah oui. J'en ai plus de scotch. Je casse la glace du rétroviseur.